Protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Ce soir, pas mal de nouveautés dans notre première demi-heure. On va donner le coup d'envoi avec 35 Tapes, la formation norvégienne qui va présenter son nouvel album Home. Et nouveauté aussi, Arc of Life, un projet de Billy Sherwood avec notamment John Davidson, l'ancien chanteur de Glasshammer et l'actuel chanteur de Yes. Et aussi dans ce projet, Dave Kirzner. Vous vous doutez bien que ça sonne assez près de Yes. Et ça va être suivi par un groupe italien qui c'est pas nouveau, mais c'est assez récent, Julius Project. Et on va terminer cette première demi-heure avec, ça nous vient du Royaume-Uni, Illuminé, un projet de Jan Jones de Karnakata et de la chanteuse polonaise qui je présume qui réside maintenant au Royaume-Uni, Agnieszka Swita, qu'on a eu le plaisir d'accueillir à Québec il y a plusieurs années en compagnie de Clive Nolan pour un petit concert intime. Très beau souvenir de ce spectacle. Donc, c'est ça. On y va avec... je voulais juste vous dire, évidemment, que plus de détails pour Illuminé. Il y a plusieurs invités spéciaux, dont Steve Hackett, John Eliwell de Supertramp, Luke Machin ou Machin de Tangent et Troy Donnelly, Iona. Donc, curieux. J'ai hâte de voir cet album Illuminé. Et on y va avec notre groupe 35 Tapes du nouvel album Home.

Yeah. 1-8-9-1. Quand vos parents ont besoin d'aide, vous êtes là. Quand vos enfants ont des craintes, vous êtes là. Quand vos amis vivent un moment difficile, vous êtes là. Soyez là pour vous, comme vous l'êtes pour vos proches. C'est possible que la situation actuelle vous fasse ressentir des émotions difficiles ou même de la détresse. Si vous éprouvez de la difficulté à réaliser les actions du quotidien, des solutions existent. Rendez-vous sur québec.ca/allez-mieux ou appelez Info Social 811. Un message du gouvernement du Québec. Ce message s'adresse à l'ensemble de la nation québécoise. Nous devons agir avec force pour freiner la pandémie. Seuls les services essentiels demeurent offerts. Les rassemblements sont interdits. Il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Respectons le confinement et le couvre-feu pour éviter d'être infectés par le virus de la COVID-19. Pour protéger les travailleurs de la santé, nos proches et nos aînés. Car l'important, c'est la santé. Pour plus d'informations, visitez québec.ca/confinement. Un message du gouvernement du Québec. Je vous parlais tantôt de Billy Sherwood et de son projet Arc of Life. Eh bien, on a encore des nouvelles de M. Sherwood par le biais de The Prague Collective, l'album Word on Hold qui vient de paraître aussi. Et cette fois-ci, M. Sherwood a invité plein de gens, dont Steve Hackett, Ariane Lucassen, Derek Sherinian, Steve Lage, Ian Ackerman, Patrick Moraz et j'en passe, pour ce, comme le nom l'indique si bien, The Prague Collective. Moitié composition et moitié reprise. Et je dois dire que l'idée me plaît plus ou moins. Je pense que ça nuit vraiment à l'ensemble du disque. Et puis, ce sera suivi de Inner Prospect, de l'album Canvas One. En fait, c'est le projet du claviériste Alessandro Di Benedetti du groupe Mad Crayon, qui est aussi membre de Mad Crayon, mais aussi un collaborateur de The Samurai of Prague. Il a fourni du matériel au groupe et aussi à Bernard and Porsti, pour Gulliver notamment, mais aussi pour La Tierra, et Toki no Kaze. Donc, un collaborateur assez actif pour The Samurai of Prague. Et on va conclure ce second bloc avec Tim Morse, un claviériste américain qui a présenté 3 disques, mais dernièrement a voulu tout résumer ça par une compilation qui a pour titre The Archaeology Project. Ça réunit des pièces de ces 3 albums. La pièce qu'on va écouter, c'est une pièce qui est extraite de son album Faith Science. Et évidemment, le tout a été remasterisé pour le mieux. On y va donc avec The Prague Collective, Words on Hold. We'll be right back. expand your horizons. Day by day, night after night, sails to the east. After eight moons, Port St. George, from there to the Tonkin Lands, traders, spices, silk and foods. I'm the new commander. Another ship, another wave, stormy wind arriving. And when the breath of God is gone, someone is near. The evil Dutchman wants my man, while for me there's a second chance. All my hopes float in this shell. I'm the last commander. Of the faith. to return. When you have a wife with your children tied, waiting for your choice, you tell that you're right, it's time to rest. You say that your friends goodbye. You tell that you're right, this was the last time. You say that your friends goodbye. Take me home now, shining sun. Please give me, Father, another son.

threats of the small, choking, drowning, disappearing, of the moist and of the damp, of new growth and reappearing. Trace your fingertips along the ground, push your hand into the wide. Your torso through and plunge in after. Then silence comes and drowns the sound of laughter. Ha we'll be right back. name to the cold sea and spread the word with a sickle. Oh,

Snowman.

autre coup d'œil dans le rétroviseur pour conclure l'émission ce soir. Là, on remonte aux années 1992, pour être exact. Un musicien américain qui a signé un petit chef-d'œuvre à l'époque, Covenant, peut-être que... Je pense que ça a pas mal passé inaperçu, même à l'époque, de l'album Nature's Divine Reflection. Un claviériste et multi-instrumentiste du nom de Dave Kreider qui a signé ce disque. Il a fait aussi partie de plusieurs groupes dans Underground Railroad, Blood of the Sun, The Dave Kreider Band. On aurait souhaité que Covenant signe plus qu'un album, mais enfin, c'est l'unique, mais excellent. C'est avec ça que je vous laisse ce soir. Je vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute dans quelques instants. Et comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à la page Facebook de Terra Incognita. Sur ce, bonne nuit à notre écoute.